Leçon 2. Deuxième leçon. À l'hôtel. Première partie. La chambre de Paul. Je m'appelle Paul Delon. J'arrive du Canada. Je suis lycéen. Mon père est professeur de français à Québec. Ma mère est infirmière. J'ai une sœur, Valérie. Elle est secrétaire. Je suis à Paris. Je suis à l'hôtel. Tout le monde aime Paris. Moi, je n'aime pas Paris. Paris est une grande ville. Je n'aime pas les grandes villes.